c'est la MyFi. It's a new day, it's a new life. I'm feeling. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022, il est 22h à Montréal et vous êtes pile à l'heure pour votre rendez-vous avec la plus belle actualité des musiques de notre époque. Êtes sur les ondes de CISM au 89.3 FM. Bienvenue dans la MyFi. De ce nouvel épisode de La MyFi avec la hargne incendiaire d'une demoiselle de Floride qui s'apprête à faire paraître son troisième LP cet été, un nouveau single dont la vidéo a fait quelque peu parler, limité et flouté sur YouTube pour violence et nudité, même si ce n'est pas si trash mais effectivement peu habillé. Nous venons d'amorcer l'aventure avec l'offensif Crazy, second single éclaireur de Doechii. On reste dans les belles nouvelles rappées avec deux confrères qui remettent le couvert et c'est évident qui revient à chaque fois que malgré ses frasques et autres moments discographiques en solitaire décevants, il reste un producteur de talent, et apparemment d'autant plus quand il s'agit de son collègue et ami de longue date qui l'accompagne depuis plusieurs disques maintenant, car ils avaient déjà atteint quelques sommets avec l'album précédent, l'excellent Daytona, sorti il y a 4 ans. On les retrouve ici de nouveau en tête à tête sur un sample qui a dû coûter un bras. Kanye West et Pusha T réunis sur cet extrait du nouvel et quatrième album de ce dernier, It's Almost Dry. I was dreaming of a play. It's levels, it's layers, so pray for the players. We hollowed the walls, I'm back of bodegas. I got plenty, it's so many, yeah. They say gimme, he got plenty, yeah. Bruh, you niggas ain't flexing, you cramping. My weight keeping niggas on the bikes like Amblin. Weight loss, rent loss, scrambling. Now pass the champagne to the champion. My niggas get money, get money, get money. Like Ye sampling. Gun stutter, make the drum line like Grambling. MGM gambling, blew a small mansion. Annoyed cause this bitch calling Lon Von Lanvin. Fuck who you stamping, them niggas just stand-ins. Not me, they censoring block me. You hollering top five, I only see top me. Award shows, the only way you bitches can rob me. It's levels, it's layers, so pray for the players. Clip him, baby, if he flinch at the price of Bottega. I got plenty, it's so many, yeah. They say gimme, he got plenty, yeah. Bruh, you niggas niggas ain't drip, you drying. Kevlar in this Balenciaga jacket lining. You and your bitch income combining. I'm sending Lorraine Schwartz diamond mining. Find them. I came up with Enzo drifters. So you gots to understand there's a difference. There's window stickers and window liquors. You know the type. Always trying to get in your picture. How it's trying to get the dope through in your sister. We won't bagging up the work. Wouldn't be no dishes. Be no Christmas. Mistletoe. Be no kisses. Made a way for ourselves. We ain't need no wishes. Ah. It's levels, it's layers. So pray for the players. We hollow the walls and back up bodegas. I got plenty. It's so many, yeah. They say gimme. Like Brady gets better with time. Didn't have to reinvent the wheel, just a better design. Critics, he's out of his mind. Haters, he's out of his prime. Yet, always where the money's at, like lottery signs. Still I climb, rockstar, third eye blind. I was bored by these albums, so it gotta be time. No reward for the latter, so it gotta be mine. Huff and puff in the club, then I gotta be shine. Properties all across the board, this monopoly's mine. Came a minister in my prime, so I gotta be shine. I used to watch the Fresh Prince and pray the house to be mine. Could have bought it, but I ain't like the way the kitchen designed. Born in a manger, the son of a stranger. When daddy's not home, the family's in danger. I got plenty, it's so many, yeah. They say gimme, he got plenty, yeah. Swimming in palm oil out here. King of all blacks, I ain't human hearts. I let things fall apart. Motor cars rusting in the garage. Grenadillas wild in the yard. Vines climbing burglar bars. The roof fell in on guards. It's full of stars. I swam in the dark. Sun fled, moon large. Fire leap from Perry's black heart. Slash and burn, the past is never far. Reaching with chopped arms, locked hands, no spare parts. The band played, those were the days I watched them hang. I ate red, red in the stadium stands. From crumbling balustrades, I watched them dance. Like drill rappers. You overlooked something. You heard your price. It's rather high. How high? Gallows. They grew fat in famine. Our mortarless fortresses lie abandoned. Alien monoliths still standing. Panting. Super 8 put a candle in a skull for a lantern. Light a Dutch in Harlem, Amsterdam. Steps of a mansion speaking Afrikaans. British accent, I want mine from back when. Tembe said the wind get the ashes in the end, bruv. The gorillas severed every inoculated limb, left them with stubs. Cigarettes on the now. Bought the house and tore it down. All your yesterdays in one neat pile. Supreme, destiny has entrusted in our hands the wheel of the state. The wheel of the state is supreme. Destiny has entrusted in our hands the wheel of the state. Running through the woods, I dropped my nine in the snow. 10 feet deep, like a pile of the blow. Had to choke a motherfucker on the side of the road. I can feel my blood boil, man, I'm out of control. Yeah. Wet suit thick so I can shred when it's ice. Then lay in bed with your wife. Get mad head from your wife. Then get out of bed with your wife. Cause I don't cut the bread with a knife. I rip it like a man supposed to. Leather jacket, Mickey Mantle poster. True. Rock bottom through the buffet. Chicken wings flying every motherfucking witch away. Hash burning while a motherfucker switching lanes. My pants rip away. I'm out the window, leave him crippled. Dog, it's been 6 years, I'm trying to get in contact with Pitbull. We got some business to get into. Short story long, your shit like soft porn. Write your name on the list and cross it off. I drag deer in the swamp. Then I roll 25 times to disappear in the swamp. Woo. 4 Rolls Royces disappeared off the lot. Woo. Then 4 Rolls Royces just appeared on the block. Woo. I had to wrestle 2 bears for the title shot. Kamikaze in a plane, baby, sayonara. Motherfucker, it's me. It's the final board. Young Black Levi signing off. Drink fluid out your spinal cord. Come through, sing Jerry Curl that Lionel wore. Me and you, it's like a lion versus a boar. Both eyes open, blasting iron through the door. Boom. 20 canisters of tear gas, slide them on the floor like James Brown shoes. I have your bitch drinking man juice. High top canvas, trap on the black vandals. Time for battle, paint face like John Randall. I'm like Gama with the gotta. Easily triggered by old trauma. True. Motherfucker, and you know I voted for Obama. It's me. C'est un des pourvoyeurs du hip-hop à l'ancienne les plus prolifiques de ces dernières années. Rien qu'en 2022, il a déjà été aux manettes de deux longs formats, pour le MC de la Nouvelle-Orléans Currency et pour le rappeur de Philadelphie Billy Dev Hart. Nous venons de quitter le single Sub-Zero, le son du Californien The Alchemist, ici tout en sonorité 60s, derrière le flow d'Action Bronson, qui n'avait pas pris le micro depuis 2020 et annonce ainsi la parution d'un 7e album prochain. Juste avant, nous sommes passés par une autre pièce pleinement imprégnée de jolis accents du passé, mais c'est du côté des Éthiopiques cette fois que l'on puise le fruit du talent du producteur Preservation pour le nouvel et 4e album du rappeur new-yorkais Billy Woods, justement intitulé Ethiops. On poursuit tout en jolies nouvelles d'aujourd'hui, on passe à des airs déjà connus mais remaniés ou reconstruits, avec dans un second temps le nouvel album d'un timbre légendaire du reggae en exercice depuis presque un demi-siècle, un nouvel LP produit pour la première fois par le pionnier du dub britannique, autant capable de découvrir des perles comme les japonais audioactives que de ressusciter des monstres sacrés comme Lee Perry. Un nouveau long format dans lequel se mêlent nouvelles tracks et reprises surprises, exactement comme ce qui va suivre. Un titre originellement issu du premier album de Massive Attack avec qui il a longuement collaboré, rendu ici dans une forme qui en fait presque instantanément un classique intemporel du dub. Les doigts d'Adrian Sherwood et la voix de Rassendi. Mais juste avant, nous embarquons tout de suite, toujours sous le signe de la relecture dub à saveur de classique, avec la face B d'un nouveau single issu de notre médaille d'argent des meilleurs albums de 2020, le flow de Sampa the Great sur le son de Quakers, remixé ici par Stalag Redeem. Scratching all the lines, changing all the times, knocking out the box while we polishing our rhymes. Yeah, some guys should buckle up and approach with caution. We don't take it lightly who we pick for our supporting. We the type of she's who can follow and lead. We can build a business while we blowing off trees. Oh, the bees knees, oh, the knees weak. Kill them with a dress, not a damsel in distress. What's frown? Queen, siren goes sound, huh? Silent and proud, huh? Shaman says pow. Yeah. We don't. Kick it over here. This is how we kick it when we kick in new year. How you doing? New phone, new heart, new hair. Got to know the shoulders, lead them mind controllers. Be an individual, as they might control ya. Stepping on my own, building my own throne. I'm collecting all the paper for my kingdom back at home. What you wanna know? I said it all before. What you wanna see? I showed you all before. I shine my little light, I do it all the time. My kids will see my praises when they speak about my life. But we don't really care. No we don't, no we don't, no we don't. We don't care. We don't care. We don't really care. No we don't, no we don't, no we don't. We don't care. We don't care. I told you. We don't. We don't. We don't. Yeah. We don't. We don't really. We don't. Yeah, yeah. We long as my BBC from home. Smelling them 163. No more kisses and caress. No. Since then we made up. We fought the enemies. We're stronger than ever. We mastered water beams. We will sanitize. We will purify. How dare you touch your skin in 2063? No more kisses and caress. No more walking hand in hand. No more kisses and. Dub dystopique d'un duo d'activistes de longue date du dub hexagonal qui ne s'était encore jamais croisé sur disque. Nouveau titre de la chanteuse franco-italienne Marina P avec l'électronicien parisien Step Art, issu de son premier EP sous son propre label Hologram. On enchaîne parmi la belle actualité du moment avec le quatrième LP d'un octet londonien à l'afro-post-funk contemporain traversé de multiples inspirations. Un dernier jet toujours mené par le Nigérien Eno Williams et cette fois produit tout du long par Joe Goddard et Idol de Hot Chip. Nous écoutons Electricity, extrait du nouvel album du même nom de EBBO Sound Machine. Thank you. Sur les ondes de CISM et vous êtes bel et bien au sein du 13e et dernier épisode de la MyFi. Nous venons de laisser derrière nous une petite jocale légère teneur estivale issue du nouvel album de Knowledge. Producteur de Los Angeles à la discographie complètement folle, plus de 120 releases, tout projet confondu. Il était précédé d'un extrait de la nouvelle parution du quartet néo-soul d'origine australienne Yates Coyote, une collection de remix de leur précédent long format paru l'année dernière, dans lequel on retrouve cette jolie relecture mise au point par une artiste californienne que l'on suit de près depuis ses trois dernières LP, Salami Rose Joe Louis. On continue notre traversée au sein de la belle actualité, on reste sur des dancefloors savamment décalés avec le nouvel et sophomore effort du multi-instrumentiste et producteur new-yorkais Ben Carr, alias Cartoons. Avec deux R comme dans son patronyme, mais toujours avec deux O, nous écoutons Vamp, extrait de Homeground. We'll be right back. Cover aussi furtive que réjouissante du classique de 1972 de David Bowie par Sharon Van Etten. C'est issu de la bande-son du nouveau documentaire produit par Netflix sur l'ascension d'Elon Musk et son projet SpaceX. Nous sommes passés juste avant par une autre forme d'espace, celui dans lequel se déploie le trio Noise Pop de Los Angeles, Else, et ce mélange d'agressivité étouffée et de douceur enfumée que l'on retrouve intact dans ce nouvel et sixième album, toujours rempli de multiples accouplements, avec des amis si peu bruyants également, de Backswash à Aura en passant par Nine Inch Nails. Ils étaient précédés par une autre forme de tension contenue, plus proche de l'atmosphère moite du Bristol des années 90, sauf que c'est sous le ciel de Nashville qu'est paru ce nouveau single éclaireur, annonçant un troisième long format à venir le mois prochain pour la jeune artiste d'origine suisse Sophie Allison, alias Soccer Mommy. On poursuit l'aventure au sein des nouveaux sons d'aujourd'hui, on reste de ce côté-ci de la flaque d'eau et on s'arrête tout de suite à Athènes avec la parution le mois prochain du second album et premier signé sous Sub Pop d'une artiste pluridisciplinaire grecque à la pop rétro vivifiante. Nous écoutons Up and Away, nouveau single éclaireur de Stella. Tonight. Let's duo de compositeurs et musiciens basés à Los Angeles qui découvrent pendant la pandémie qu'ils sont voisins et décident ainsi de collaborer. Il en résultera un album prévu en deux parties. La première moitié est sortie en septembre et l'ensemble verra le jour le mois prochain. Pour préparer le terrain, ils viennent de faire paraître Green to You, nouveau single éclaireur de Kathleen Aurelia Smith et Emil Mosseri. Ils furent précédés par un autre single issu du tout premier long format de la multi-instrumentiste canadienne Gray, une ode au vide intitulée Room in the Desert pour nous emmener tout en volupté vers le final de ce 13e et dernier épisode de la MyFi pour cette saison. Votre petit show radio se met sur pause cet été et reviendra à la rentrée dans une formule différente et encore plus adaptée, plus ponctuelle pour plus de contenu détonnant, plus tard dans la nuit pour plus de liberté. Je vous laisse ce soir avec non pas une ultime nouveauté, mais avec une artiste méconnue et son œuvre empreinte d'éternité. Un unique disque à l'histoire maudite, enregistré en 76 dans un studio de San José en Californie par une jeune chanteuse et musicienne qui interprète les pièces écrites par une amie fraîchement rencontrée. Cette même amie autrice qui décidera peu de temps après de brûler la bande maîtresse et de jeter les quelques copies vinyles éditées qu'elle a pu se procurer. Cela aurait pu en rester là et le disque serait tombé tranquillement dans l'oubli, sauf que 30 ans après, un band de San Francisco du nom de Vetiver tombe par hasard sur une copie vinyle dans une boutique d'occasion et décide d'en reprendre une des chansons qu'ils feront interpréter par la chanteuse britannique Vashti Bunyan. Il n'en faudra pas plus pour que cet unique disque devienne objet de toutes les convoitises, et les quelques copies vinyles originales aujourd'hui quasi introuvables valent désormais tout l'or du monde et à juste raison. Nous nous quittons sur la splendide pièce Need, extraite de cet unique album paru dans l'obscurité en 1976, Move With Your Love, la Californienne, Kathy Heidemann. Là-dessus, rendez-vous de l'autre côté de l'été. D'ici là, vous pourrez retrouver les 13 épisodes passés sur le CISM893.ca et sur iTunes. Vous pourrez retrouver également en tout temps épisodes, vidéos, libres téléchargements, chroniques et archives sur le petit site de la MyFi à l'adresse ifsoul.com. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de ce cher petit show radio tout au long de cette saison. Mon nom est Zikia et c'était la MyFi sur les ondes de CISM. Bonne suite d'aventure à toutes et à tous. Bye. I don't need you to love me, 'cause mama kept a very loving home. She made that known. No, I don't need you to love me, Daddy showed me love was just a word that he had heard. So I just need you so near. I just need to be dear. I just need, I just need, I just need. I don't need you to love me, 'cause mama showed me love was not the way. It was her play. No, I don't need you to love me, 'cause daddy used his love as just a tool to find a fool. So I just need you so near. I just need to be dear. I just need, I just need, I just need. could stand. She was so grand. No, I don't need you to love me, 'cause daddy's price for love was way too high. You had to die. So I just need you so near. I just need to be dear. I just need, I just need.